Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on est dans le quatrième ou la quatrième abrogation parmi les abrogations d'islam. وهو باختصار الحكم ما الحكم بغير ما أنزل الله. C'est en termes résumés, c'est le fait de juger par une autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. نعم. ومن يذكر الدليل الدليل عيسى دليل النافذ بشرك الله بالجنة. أمين. أحكي لهم شيخ. من لم يحكم. أيوة. من لم يحكم بما. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أيوة. بس الشاهد هو الآية الأول. أيوة. فأولئك هم الكافرون. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah, ceux-là sont certes les mécréants. Wa man yadhkur tafsir Ibn Abbas 'inda hadhihi al-aya. Qui c'est qui se rappelle du tafsir de Abdullah ibn Abbas 'inda hadhihi al-aya? Kufr duna kufr. طيب, هذه الكلمة le kufr duna kufr. Ils ont dit que c'est une parole de Abdullah ibn Abbas. لكن ليست ثابتة لابن عباس. يعني قال أنا ليس كفر يعني c'est pas le fait de croire en Allah en ses anges en ses prophètes. أيوة. La parole précise que Abdullah ibn Abbas il a dit هي به كفر وليست كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. Ça c'est la parole précise que qui est venue d'une manière authentique de Abdullah ibn Abbas. Mais la parole que tu as dit, Abdallah, c'est une parole juste. Et c'est la parole de l'élève de Abdallah ibn Abbas, qui est l'élève de Abdallah ibn Abbas. طارق لا تابعين طبعا نعم هو من اكابر التابعين في عصره le plus haut celui qui est le plus haut celui qui était le يعني ما كان يرى الفتية في الحج والعمرة إلى غير هذا الإمام في زمن أسود البشرة أنا من نواف ماذا وكما قيل في ترجمته ذميم الخلقة لكن نور الله وجهه الله سبحانه وتعالى يمين لمير سوسون فيزاج بالعلم النافع وهو عطاء بن أبي رباح عطاء نعم دونك سي عطاء كي هادي لا بارول كي ايفوكي نتر خير عبد الله جزاه الله خيرا كي دي كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق نعم دونك سي دو اثار لا دو عبد الله ابن عباس اي دو اي دو لحظه نعم يا ايوب وينك وينك؟ يا طيب طيب بس نحن بدأنا هنا كمصي ديجا حياك الله سامك اتصلت به لما كنت ماشي إلى المسجد قال لي أنا ما شفت شي مو أكور يا خلاص حياك الله المهم دونك فوالا الوغ من حيث الأدلة Si jamais on vous demande sur cette bab-là, vous avez l'aya, ensuite vous avez le tafsir de l'aya, de Abdullah ibn Abbas, pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua Il a demandé à Allah qu'il lui fasse comprendre le Coran. Naam. Fali hada sumia Abdullah ibn Abbas turjaman al-Quran, l'interprète du Coran. Donc son tafsir, comme on a vu, c'est un tafsir qui est mu'tabar, qui est à prendre en considération. Donc tu as le tafsir d'Abdullah ibn Abbas et le tafsir de Ata ibn Abi Rabah. Naam. ونحن وصلنا عند قوله بعض السور في الحكم بغير ما أنزل الله. Donc, le fait de juger par autre qu'Allah, c'est pas du kufr d'une manière globale. Dans certains cas, c'est du kufr, voilà chaque. Et dans certains cas, c'est pas du kufr. Donc là, on va voir certains exemples où la plupart, la base des formes du jugement par autre que la sharia d'Allah Azza wa Jal. طيب السورة الأولى من حكم بغير ما أنزل الله وهو جاحد لحكم الله فهو كافر إجماعا. Celui qui juge par une autre loi que la loi d'Allah tout en réfutant la loi d'Allah. فهذا ايش؟ هذا كافر بالإجماع. Celui-là, c'est un mécréant et cela selon le consensus, l'unanimité des savants. قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. فإذا chaque fois que vous allez voir آل الشيخ, آل الشيخ, c'est-à-dire la famille du شيخ. C'est qui le شيخ؟ محمد بن عبد الوهاب. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez voir, par exemple, le mufti actuel, Abdelaziz Al-Sheikh, tu vas comprendre que c'est un des petits-enfants de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Kazalik Al-Saleh ibn. Le mufti Al-Sabiq, Mohammed ibn Ibrahim Al-Sheikh. Taïb. Qala. وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهما أو بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. Donc ça, c'est un naql de cet imam, Mohammed ibn Ibrahim, ibn Abd al-Latif, qui dit comme quoi, celui qui rejette une chose parmi les bases de la religion, ou parmi les branches, celui qui le rejette, ou une chose parmi une des lettres avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, celui-là est un mécréant, selon l'unanimité des savants. Donc la première surah, la première image, celui qui réfute, qui juge par autre que la loi d'Allah, tout en ayant dans son cœur, c'est-à-dire il réfute la loi d'Allah. Tamam, hada kafir. As-sura thaniya. Man yahkum bighayri ma anzala Allah wa ya'taqidu annahu ahsan min hukm Allah fa huwa kafirun ijma'an. Quelqu'un qui juge par une autre loi que la loi d'Allah et il pense que cette autre loi là, elle est meilleure que la loi d'Allah azza wa jal. Par exemple, il va dire sur la lapidation maintenant. C'est-à-dire, la lapidation, c'est plus notre époque. C'est-à-dire, là, maintenant, c'est mieux que celui qui fait zina, on le met en prison ou autre chose. C'est-à-dire, ça, c'est mieux. Le fait qu'ils disent que son jugement, il est meilleur que le jugement d'Allah Azzawajal, ça, c'est du kufr ijma'an. Ça, c'est du kufr, yani, selon l'unanimité des savants. Qala l'imam Ibn Baz, alayhi rahmatullah, Ibn Baz, ma kunyato. Ibn Baz, c'est quoi sa kunya? Ibn Baz, c'est quoi sa kunya? Ibn, hada c'est le nasab. Ça c'est la lignée. Amma al kunya, Abu Fulan, Abu Kala, Abu Kala. Ibn Baz, Muhammad, là? Ibn Baz, Abu Manhu. Ma t'escouron, Abdallah? Amma raïtu. ما رأيت ها؟ أيوة أنت ذكي. نعم أبو عبد الله. نعم أبو عبد الله. قال الإمام أبو عبد الله نعم عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج من شريعة محمد أو التحكيم أو تحكيم غيرها فإنه فهو كافر ضال. Donc ça c'est l'ijma qu'a rapporté l'imam Ibn Baz, Abdelaziz Ibn Baz. Sur quelle forme de jugement? Non, mais c'est quoi sur quelle image? Celui qui juge par une autre loi d'Allah, mais qui croit qu'elle est meilleure. Tamam? Le premier, c'est il juge par l'autre loi qu'Allah, mais il la réfute. يجحدها. Ils disent, de toute façon, les lois d'Allah sont méprisables ou quoi. Ils rejettent ça. Ala kufr, bilijma. Wa kadhalika, celui qui préfère les lois des créatures aux lois d'Allah. وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الاشتراكية والشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضال أكفر من اليهود والنصارى لأنهم ملاحدة يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا وإماما في مسجد من مساجد المسلمين. Donc là, Cheikh Ibn Baz, il a poussé le, c'est-à-dire là, ce naqid là, il l'a appliqué sur qui? Sur ceux qu'ils appellent, ou quoi? Au communisme. Naam, la démocratie, tout. Parce que tout cela, c'est un jugement pour autre qu'Allah. C'est un jugement, ou c'est le fait de se reposer sur une autre législation que la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc, il dit que ceux-là, ils sont encore pires, les communistes surtout, ils sont encore pires que les juifs et les chrétiens. Car eux, ils ne croient en rien. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Ils ne croient pas en... C'est Cheikh Ibn Baz qui dit ça. Ouais, c'est Cheikh Ibn Baz qui dit ça. Les communistes, c'est ça? Ouais, les communistes. Que... Alors. Ils sont pires. Taïb. ولا يجوز. Et ensuite il dit ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا. Et il n'est pas permis de faire de l'un d'entre eux, communiste ou démocrate ou quoi, de faire de l'un d'entre eux un khatib ou un imam dans les mosquées des musulmans. Wala tasih as-salat khalfahum. Et la prière derrière quelqu'un comme ça, elle n'est pas valable. Wa kullu man sa'adahum 'ala dalalihim wa hasana ma yad'una ilayh wa dhamma du'at al-islam wa lamazahum فهو كافر ضال حكمه حكم الطائفة الملحدة. وهذا كلام قوي جدا de Cheikh Ibn Baz. Il dit donc on ne doit pas prier derrière lui, on ne doit pas les aider. Et il dit que toute personne qui les aide dans leur égarement ou qui a pensé du bien de leur prêche et qui, de surcroît, blâme les prêcheurs de l'islam, toutes ces personnes-là sont des mécréantes. Et là, il se base sur quel naqid? On en a vu quatre. Il se base sur quel naqid? Pour dire que celui qui aide les communistes dans leur prêche, hein? Celui qui rend pas mécréant. Naam. Parce qu'on a vu, celui qui ne rend pas وكن نعم لا يكفر المشركين وصحح مذهبهم. Ils ne rend pas mécréants les associateurs. Et il rend leur voix authentique, juste. Ils pensent que leur voix est juste. فانظروا كيف العلماء يطبقون القواعد ويطبقون الأدلة. نعم. Donc non seulement il a parlé de le communiste en lui-même, c'est du kofr, puisque c'est un jugement par autre que la loi d'Allah, mais en plus celui qui l'aide à cela et qui voit sa voix juste, lui aussi, yakfur. Quand il dit le communiste, ça comprend toutes les phases politiques. Le socialiste, je ne sais pas quoi. Et... Parce qu'ils ne sont pas tous. Mais les ikhwan, eux, ikhwan, naam. C'est-à-dire que tu ne peux pas dans un ikhwan. Al-an, ala hasab. Ça, c'est un kalam mutlaq. Ah, ok. Arafte. هذه كلام مطلق. الآن الآن هو يكفر هذا تكفير. du تكفير là de شيخ ابن باز. طيب est-ce que maintenant tu vas prier derrière quelqu'un qui appelle au communiste tu vas pas prier derrière quelqu'un qui appelle au communiste parce que شيخ ابن باز il a dit ça. Là la كلام de شيخ ابن باز c'est une كلام مطلق. C'est une parole globale. Après pour venir كفر une personne لابد من شروط. نعم. Et là, nous-mêmes, on est en train de voir les différentes formes de jugement par autre que la loi d'Allah. Et on va voir qu'il y en a une forme qui ne fait pas sortir sa personne de l'islam. Les ikhwan, eux, ils renient la loi d'Allah ou pas? Eux, c'est pas... Ils appellent... Non, parce que je connais pas vraiment. Non, non, eux... Ils appellent à communistes, tout ça? Eux, ils prennent les trucs des koufars, ils passent par le vote, tout ça, pour ensuite dire qu'ils veulent appliquer Sharia, mais ils passent par. Ah, ok, c'est-à-dire. C'est... Voilà. Après, il faut savoir que les Ikhwan, les musulmans, c'est une secte qui revient à quelle grande secte de l'islam? Ils ont du Khuruj, c'est sûr que. De toute façon, chaque secte, il n'y a pas une secte. Mais l'islam, à part la firqat al-Najiyya, à part les gens de la sunna, qui n'ont pas dans leur croyance le fait qu'il est permis de sortir sur le gouverneur. Tu vas voir le tablir, jama'at tablir, pourtant qu'ils appellent toujours les gens au bien, à s'assembler, au kala, tu vas voir que même eux, c'est ils ont du khuruj. Même eux, quand il y a eu le printemps arabe, ils étaient en train de soutenir. Naam. Enfin, la plupart des sectes, ils ont du khuruj. Mais eux, les Ikhwan al-Muslimin, leur base, c'est quoi? C'est, ils viennent de la secte qu'on appelle Soufiya. Hassan al-Banna, Soufi. Mahab. C'est pas un Soufi, yani, basit. Yani, Soufi, mahab. C'est-à-dire que vraiment, lui, il a pris le dogme de Soufiya. C'est pourquoi tu vas voir que les Ikhwan al-Muslimin, مثلاً, al-Wala wa al-Bara, Shibh, Ma'doum. C'est une base parmi les bases de l'islam, mais que chez eux elle est presque oubliée. Al-da'wa ila tawhid. Alors ça carrément ça n'existe presque pas chez eux. Le da'wa ila tawhid, c'est quelque chose de. Alors sans compter les bida'. C'est quoi leur akhida? C'est quoi leur base pour. Leur base, eux, quand ils viennent pour parler au da'wa ou kala, ils viennent et vont dire regarde le fulan al-hakim. Le juge un tel, nous on veut le faire sortir parce qu'il n'est pas droit, il n'est pas juste. Là, si on met un hakim qui est juste, Inch'Allah, le mort taïba. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas venir comme la plupart des prophètes, alayhi salatu wassalam. Wa ila aadin a akhahum huda. Qala ya qawmi, ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoulan. An ibudullaha wa jtanibu al-tawut. Ça, c'est la base du da'wa. La base. Hein, le prophète عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكون أول ما تدعوهم إليه توحيد الله أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث la première des choses que la personne doit appeler en temps normal c'est le tawhid, mais eux c'est pas ça qu'ils font. Et chaque secte elle va venir avec son dogme, c'est-à-dire les croyants musulmans ou eux c'est direct le pouvoir, c'est des gens ils sont tournés vers le pouvoir. Non, la politique ou quoi. Al-Muhim, pour répondre à Hamza, ça c'est une parole globale. Ça ne veut pas dire que demain, tu vas venir, tu vas prier dans un ikhwan, tu vas dire, voilà, khalas, c'est un kafir parce que c'est juste par votre que la loi d'Allah. Lahu shurut, lahu ashiya. Fahim? Wa kathir min al-nas yajhalun. Et beaucoup de gens qui sont affiliés à des partis politiques, ils ne connaissent pas la gravité dans laquelle ils sont. Naam. Wa al-jahl min mawani' ish takfir. Le fait d'être ignorant, ça fait partie des choses qui empêchent la personne de sortir de l'islam. Al-Muhim, ça c'est la deuxième sourate. La troisième sourate, man hakama bi ghayri ma anzala Allah wa i'taqada annahu yajuz lahu dhalik fa huwa kafir. Ijma'a. Alors là, on a le premier, celui qui dit il regarde même pas la loi d'Allah azza wa jalla. Il dit vas-y, ça c'est voilà, c'est il réfute tamamen. Le deuxième, il réfute pas, il dit ouais, c'est la loi d'Allah mais on a mieux. Et le troisième, lui, il dit, taïeb, on ne dit pas que c'est mieux, mais en tout cas, c'est permis. Donc celui-là, c'est l'ahouen de trois. Et malgré ça, c'est un mécréant. Bilijma'. Bilijma'. Qala shaykh l'islam ibn Taymiyyah. Wal insan, mata halal al haram, al mujma'a alayh, ou harram al halal, al mujma'a alayh, ou baddal al shar' al mujma'a alayh, كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. فهم؟ C'est quoi le shahid de cette parole là? Comment le, c'est quoi qui nous intéresse de la parole de Cheikh l'Islam? La personne lorsque elle rend licite le haram qui est sur lequel la totalité des savants sont convaincus ou elle interdit le licite sur laquelle la totalité des savants sont convaincus. Ou elle change la législation sur laquelle la totalité des savants sont convaincus, kana, cette personne-là est certes alors mécréant, sorti de l'islam, et ceci selon l'unanimité des savants. Il a changé la législation. Naam. Yani, al-shahiduna, wa baddal al-shar' al-mujma' alayh, wa kadhalika, qabla dhalik, halala al-haram. Le fait qu'il est, il est rendu licite, une chose interdite. Parce que là, il dit, c'est permis de juger par une autre loi que la loi d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit ça formellement, fi kitab. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نعم. طيب السورة الرابعة. من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مساو لحكم الله فهو كافر إجماعا. Donc là, le quatrième exemple, c'est quelqu'un qui juge par les autres lois d'Allah et qui dit que ces lois-là, elles sont égales aux lois d'Allah Azza wa Jalla. Ces lois-là, elles sont égales, c'est le même niveau, ma fi mushkila. Lui, il rentre un peu comme dans celui qui a permis, qui a dit que c'était permis. Naam. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله إلى قوله فأنى تسحرون وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم كما ذكرنا أن اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله أو رجاه كما يرجو الله وما أشبه ذلك. Donc le shahid de la parole de Cheikh l'Islam, c'est vers la fin quand il dit que celui qui aime une chose comme il aime Allah ou qui craint une chose comme il craint Allah Azza wa Jal ou quoi que ce soit dans ce sens-là, alors celui-là, il est certes mécréant. Pourquoi là, on a pris cette parole de Cheikh l'Islam? Parce qu'elle convient avec ce naqid, le fait qu'il ait rendu la loi d'Allah est-ce comme la loi des hommes, au même niveau. Comme la habba, la mahabba, comme l'amour, il la met au même niveau. Ou comme la crainte, il la met au même niveau. Na'am. فهذا كله كفر. قلنا بعد ذلك فكذلك من أحب شريعة أو شريعة غير الله كشريعة الله. كذلك celui qui a aimé une législation comme la législation d'Allah. نعم. Vous avez compris ça? C'est la cinquième. C'est le quatrième. On la met pareil. On la met, celui qui la met égo, c'est. Voilà. Celui qui met égo. La législation des hommes avec la législation d'Allah, هذا كفر صريح بالإجماع. طيب السورة الخامسة وهي الأخيرة وهي التي وهي السورة الوحيدة التي لم تخرج أو لم تخرج صاحبه من دائرة الإسلام. Et c'est la seule image qui va pas faire sortir la personne de l'islam. قال من حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه وهو مقر بان حكم الله هو الحق لا مثيل له ولا افضل منه. C'est une personne qui juge par une autre loi d'Allah que les lois d'Allah pour une quelconque passion qu'il a au fond de lui. C'est-à-dire il veut rester au pouvoir, il veut de l'argent, oui. Il veut. Hein? En gros, c'est pour un quelconque bien de cette dunya. Tout en reconnaissant que les lois d'Allah sont vérité et qu'il n'y a aucun ego avec elles et qu'elles sont meilleures que toute autre chose. Et ça, c'est la pensée de beaucoup de hukam, de gouverneurs parmi les gouverneurs musulmans. ولهذا تجد أن كثير من العلماء ما كفروه هؤلاء الذين بدلوا كثير من الشرع بالقوانين الوضعية. Et c'est pourquoi tu vois que beaucoup de savants n'ont pas rendu mécréant la totalité des dirigeants musulmans. Alors que tu vas voir que au jour d'aujourd'hui, c'est quel pays qui juge avec la charia? السعودية وهي الوحيدة بلاد الوحيدة وكم من أمم مسلمة هي كم من كوميونيتي مسلمة في العالم. C'est-à-dire que la confession musulmane est la plus nombreuse en termes d'adeptes au monde. Des milliards. ومع هذا ما في بلاد سوى المملكة العربية تحكم بشرع الله. نعم. بسبب إيش؟ Parce que les أعراض أعراض الدنيوية يعني غلبت على هؤلاء الحكام ونسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم. C'est ça le mafroud que l'Ahl al-Sunna يدعون les حكام المسلمين. نعم. Parce qu'avec avec des bons حكام البلاد تصلح. Avec des حكام qui sont يعني pervertis خلاص. Et toi, quand tu vas faire une dua sur une personne, il faut savoir que les dua que tu fais sur les musulmans, c'est pas une bab qui est wasi'a. C'est pas une bab qui est large. À la base, c'est le mena. La base, le fait de faire dua sur un musulman, c'est interdit. C'est interdit. Les paroles du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu akhul muslim. La yadhlimu, wa la yakdhibu, wa la yakhdhulu, wa la yahqiru. التقوى هاونا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dit le musulman est certes le frère du musulman. Il ne lui fait pas de tort, il ne le dément pas, il ne le trahit pas et il ne le méprise pas. Ensuite le prophète il indique sa poitrine, il fait un signe sur sa poitrine en disant التقوى هاونا. La crainte, elle est là. C'est-à-dire, fil fouad, le qalb, la crainte, elle est là. Bihasbi mri'im min ash-shar. Il suffit à une personne d'être mauvaise qu'elle, qu'elle méprise son frère, musulman. Il suffit d'une personne d'être mauvaise qu'elle méprise son frère musulman. فالأصل في الدعاء على المسلم المنع. C'est interdit. إلا في بعض الحالات مثل الظلم. Lorsque, يعني, sauf dans certaines situations, comme le fait d'être mazloum, le fait d'être opprimé. Ça arrive que des musulmans, ils oppriment d'autres musulmans. نعم. ففي هذا الباب شرع. C'est permis de faire dua. Si toutefois, il n'y a pas d'autre chose. Mais la dua, elle doit venir en filakhir, quand tu vois qu'il n'y a plus grand chose à faire. Alors, في باب الحكام, هذا من باب أولى. Pourquoi ? Parce que si tu vas faire une dua sur le hakim, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'accepte. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut exécuter quelqu'un, il peut dire kun fayakun. Il peut dire soit et voilà, la personne est morte. Mais quand, en général, il veut faire cela, il égare la personne. C'est-à-dire, la personne, elle va continuer à faire plus encore, plus de dalal, plus de dalal, plus de dalal, plus de dalal. Et est-ce que là, c'est dans la maslaha des musulmans ? Est-ce que ça fait partie des intérêts des musulmans ? Que les hukam, ils deviennent encore pires, plus mauvais, plus mal, plus de méchanceté, plus de... C'est pas dans leur maslaha. Ni dans la maslaha de leur famille. Femmes, enfants, filles. Ni dans la maslaha de leurs proches. Qarib, la tribu. Qabail. Ni dans la maslaha de l'mujtami' l'akbar. La qariya ou le... C'est pas dans leur maslaha. Bel, leur maslaha, avec le hakim, il devient salih. Il devient pieux. Plus il va devenir pieux, plus ça va... Le khair va tambout. Il va ordonner que les ulema yanchurouna l'ilm fil masajid. Ou il va aider... les fuqara comme il faut. ويحصل الخير. انظروا في الجزائر على سبيل المثال. يعني حكامهم يعني رئيس عادل فطن جعل الله في يعني هذا الرجل البركة العظيمة. مع ما فيه من الظلم ومع ما فيه من تقصير لكن الحق قال يا اخوة il a fait de son pays le pays le plus puissant d'Afrique. بعد أن كان دمار بعد دمار أولا لأن المستعمر يعني المستعمر الفرنسية خلت البلاد يعني خربوا البلاد يعني من رأس إلى عقب ديجا أولا باسكو لا كولوني فرانسيز لا كولونيزاسيون فرانسيز افي انورمومون دو تور على الجيري. نعم. ensuite ثانيا après qu'ils soient partis, ils ne sont pas partis. C'est l'un des rares pays d'Afrique qu'ils ont... C'est-à-dire... أَخَذُوا حَقَّهُمْ بِالْغَصْبِ. Ils ont pris leur droit mais بِالْدَمْ. Avec le sang. نعم. Et ça, ce n'est pas une chose simple, يا أخي. Ce n'est pas une chose facile. Des milliers de personnes, ils sont morts. Il faut reconstruire le bilat, il faut كذا, il faut كذا. ثُمَّ بَعْدِينَ بعد هذا كله جاءت فتنة الخوارج. وكانت فتنة عظيمة عامرة ربما on n'a pas entendu une fitna parmi les de notre époque de ce qu'ils ont fait les khawarij في هذا البلاد مثل هذه الفتنة on n'a pas entendu une fitna comme ça mais regarde avec le c'est-à-dire la baraka du hakim comment il a réglé le مشكلة hein بتخطيطات وأمور ودعوات il a ordonné les ulama de prêcher d'envoyer le يعني de نشروا العلم c'est-à-dire que même les fatwas de Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani intushirat في أيام الفتن ils envoyaient des par avion ils passaient par avion au-dessus des maquis les trucs les forêts et tout et ils envoyaient des rasaïl parce qu'ils disaient qu'ils étaient là oui نعم et que dis-toi bien que les khawarij sont pas tous des c'est pas tous les khawarij qui sont sur cette aqida mais beaucoup de gens ils sont endormis beaucoup de gens ils ont pas beaucoup étudié ils croient que ouais bon c'est comme ça on prend on est mazloum alors voilà on prend les armes tu vois ça veut dire que quand ils vont voir des ils vont trouver des comme ça a été le cas beaucoup d'entre des gens qui étaient avec les khawarij qui étaient dans les montagnes et tout ils ont reçu ils ont lu ces rasaïl. Mais c'est un tartet adib. C'est la guerre. C'est la guerre entre eux et la Daoula. Et qu'est-ce qu'ils décident de Bouteflika? D'envoyer des fatwas de machaykh ou quoi. Ça veut dire que les soldats de Khawarij, ils ont commencé à avoir le doute. Ah, mais peut-être, c'est vrai, on est peut-être dans le haram. Là, on est en train d'égorger des enfants. T'imagines qu'ils mettaient des enfants dans le four. Des enfants, c'est rare. C'est rare. Des trucs, yani, a'oudou billah. Un musulman, ma yaqdir, il ne peut pas aller jusqu'à un stade comme ça. Na'am. Et avec ça, فهذا الرئيس il a géré la situation d'une main de fer et avec une hikma ajiba jusqu'à zalat hadi alfitna zalat hadi alfitna wa sarat aljazair aldawla alwahida hada qabl sanatayn lan ma adri qabl sanatayn aldawla alwahida ma laha duyun c'est devenu l'Algérie le pays c'est le seul pays qui n'a pas de dette extérieure étrangère. Mais ça, c'est quelque chose, ceux qui ont fait des études, soit en économie ou en truc, ils vont dire, c'est un tartetat ajib. Après, qu'ils sont venus du néant, ça a été quand, la fitna des Khawarij, les années 90, les années 90. Oui, 90, on est à les époques 2000-2015. Ça veut dire, en l'espace de 30 ans, stabdal al-umur wa fa'al wa kada wa kada. Fa fadl al-hakim الصالح والفتن ما هو بسهل. c'est pas une petite chose que d'avoir un hakim qui connaît ou qui respecte la législation d'Allah Azza wa Jal autant qu'il peut et qui est pieux. Et la plupart des hukam al-arab ou hukam al-muslimin kakul, tu les vois fil hajj. Ils hajjoun. هذا دلالة على أن ما زال فيهم الخير ما زال فيهم الخير ونسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم إلى سواء السبيل نعم طيب donc le cinquième point من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه وهو مقر بأن حكم الله هو الحق لا مثيل له ولا أفضل منه وإن شاء الله نكمل غدا هذا الدرس تمام